Chapitre XII. Anne d'Autriche, reine de France. 1. Louis le Chaste. Elle était fille de Philippe II d'Espagne et était née en 1601. Ce fut en 1615 que Marie de Médicis obtint sa main pour son fils Louis XIII, âgé de 14 ans. Le jeune roi alla recevoir sa fiancée à la frontière. Une armée l'accompagnait. Il entrait dans les villes précédées par l'artillerie. Cet appareil sentait la guerre civile devenue une maladie chronique. Il s'arrêta à Bordeaux. Dans la matinée, Anne devait entrer en ville, et au moment où elle passait à Castres, le jeune roi courut pour la voir. Mêlé à un groupe de cavaliers, il vint la regarder passer sans être connu d'elle. La bénédiction nuptiale fut donnée 4 jours après par le cardinal de Sourdis, et le soir, on les fit coucher au même lit, mais pour la forme seulement, leurs 2 nourrices restant dans la chambre des mariés. Note. Bazin, Histoire de France sous Louis XIII. Fin de note. Ils furent longtemps, comme on le verra, sans se rejoindre au lit, même pour la forme. Louis XIII était un homme d'un caractère assez difficile à définir. Il avait de ses parents le courage, il aimait la chasse et la guerre, il était entêté, opiniâtre, comme Marie de Médicis, et avait cette sagesse dont Henri IV donna tant de preuves dans sa déférence au conseil de Sully. Il sut reconnaître la supériorité de Richelieu et lui sacrifier sa vanité. Mais à ses qualités s'arrêtait sa ressemblance avec ses parents. Il n'aimait pas la reine et ne la voyait point. Il ne recherchait des jolies femmes de sa cour que la compagnie et la conversation. Mélancolique, délicat, il semble s'être ressenti toute sa vie des impressions d'une enfance sacrifiée. La chasse au vol surtout, la lecture, le dessin, la musique, occupaient ses loisirs. Il composait des airs pour la musique de sa chambre qui se réunissait 3 fois par semaine. Il grandit sans se dépouiller de ses goûts d'enfant. On l'a surnommé le chaste et à bon droit, car ses maîtresses, Madame d'Hautefort et Mademoiselle de Lafayette, n'étaient à vrai dire que des dames de compagnie. Il se brouilla même avec la première parce que celle-ci, par une coquetterie trop audacieuse pour lui, par une grâce trop provocatrice, troublait le calme qui lui était cher. Un jour, dit Allemand, Madame de Hautefort tenait un billet. Il le voulut voir. Elle ne le voulut pas. Enfin, il fit effort pour la voir. Elle, qui le connaissait bien, se le mit dans le sein et lui dit « Si vous le voulez, vous le prendrez donc là. » Savez-vous ce qu'il fit? Il prit les pincettes de la cheminée de peur de toucher à la gorge de cette belle fille. C'était du dédain insolent, une morgue, dont il donna plus d'une autre preuve. Nous citerons encore celle-ci rapportée par le père Barry. C'était à Dijon. Étant permis au peuple de voir dîner, il y a eu une demoiselle vis-à-vis de Sa Majesté, habillée et découverte à la mode. Le roi n'en prit garde, éteint son chapeau enfoncé et l'aile abattue, tout le temps du dîner, du côté de cette curieuse. Et la dernière fois qu'il but, il retint une gorgée de vin dans sa bouche qu'il lança dans le sein découvert de cette demoiselle qui en fut bien honteuse. Sa Majesté était assez dégoûtante. Et ce prince se piquait de délicatesse. La femme qu'il aima, autant qu'il pouvait aimer, Mademoiselle de Lafayette, était une jeune fille d'une beauté fine et spirituelle qui faisait le plus grand honneur au roi. Les mœurs, d'ailleurs, s'étaient beaucoup adoucies. À la cour, l'étiquette était plus sévère et les convenances mieux observées. Il y eut même un peu de pruderie. La jeune reine s'effaçait complètement et menait l'existence la plus paisible, du moins pendant les premières années. Elle avait des goûts assez simples. Elle aimait passionnément les fleurs, les roses exceptées. Chose singulière, à la vue d'une rose, même en peinture, elle se trouvait mal. On avait peine à lui trouver de la batiste assez fine pour ses chemises et ses draps. Et plus tard, Mazarin lui disait « Madame, si vous êtes damnée, votre enfer sera de coucher dans des draps de toile de Hollande. » Elle était belle et l'on a du mal à comprendre l'aversion de Louis XIII en lisant ce portrait d'Anne d'Autriche dans les mémoires de Madame de Motteville. Elle était alors d'un âge mûr, 38 ans. Elle me parut aussi belle qu'aucune de celles qui composaient son cercle. Elle se coiffait, selon la mode, d'une coiffure ronde, frisée claire, et mettait beaucoup de poudre. Ses cheveux étaient devenus d'une couleur un peu brune, et elle en avait une grande quantité. Elle n'avait pas le teint délicat, ayant même le défaut d'avoir le nez gros, et de mettre, à la mode d'Espagne, trop de rouge. Mais elle était blanche, et jamais il n'y eut aussi belle peau que la sienne. Ses yeux étaient parfaitement beaux, la douceur et la majesté s'y rencontraient ensemble. La couleur, mêlée de vert, rendait leur regard plus vif et rempli de tous les agréments que la nature leur avait pu donner. Sa bouche était petite, vermeille. Les sourires en étaient admirables. Elle avait le tour du visage beau et le front bien fait. Ses mains et ses bras avaient une beauté surprenante et toute l'Europe en a ouï publier les louanges. Leur blancheur, sans exagération, avait celle de la neige. Elle avait la gorge belle, sans être parfaite. Elle était grande et avait la mine haute, sans être fière. Elle avait dans l'air du visage de grands charmes, et sa beauté imprimait dans le cœur de ceux qui la voyaient une tendresse toujours accompagnée de vénération et de respect. Avec tous ses agréments, elle ne se fit point aimer du roi, son époux. Elle était toujours liée avec les mécontents et rendit suspecte son affection pour le roi d'Espagne, son frère, en ne lui écrivant qu'en cachette et par l'entremise de gens souvent mêlés aux secrets de l'État. Madame de Motteville fait ici allusion à l'affaire de Chalais, le plus sot des complots formés par le plus turbulent et le plus incapable des princes, Gaston, frère du roi. Le but était le renversement du roi, l'élévation de Gaston au trône et le divorce d'Anne d'Autriche. Le cardinal de Richelieu perça à jour cette ignoble intrigue et avait persuadé à Louis XIII la culpabilité de la reine. Louis se départit alors de sa froideur envers sa femme et lui fit même une scène des plus violentes en présence de son conseil, devant lequel il l'avait appelée. Il lui reprocha en face d'avoir conspiré contre sa vie pour avoir un autre mari, pour épouser son frère, Gaston d'Orléans. La reine outrée répondit qu'elle aurait trop gagné au change de vouloir commettre un si grand crime pour un si petit intérêt. Richelieu avait fait saisir sa correspondance. « Vos lettres au roi d'Espagne, dit-il, à la reine d'Angleterre et au duc de Lorraine, montrent assez que vous êtes toujours en bon accord avec mes ennemis. » Elle dut en demander pardon au roi et signer un écrit humiliant par lequel elle s'engageait à plus de prudence et de zèle. En définitive, elle avait été plus imprudente que criminelle, mais elle devait cette humiliation à la haine de Richelieu. On avait donc bien tort d'imprimer à Cologne cette brochure qui fit du bruit et qui avait pour titre « Les amours d'Anne d'Autriche avec le cardinal de Richelieu ». 2. À qui nous devons Louis XIV ? L'attitude du roi, l'isolement dans lequel se trouvait Anne d'Autriche, devait enhardir les prétendants à sa faveur. Comme il était dans la destinée de cette princesse d'avoir toujours affaire aux robes rouges, elle fut d'abord courtisée par le cardinal de Retz. Mais ce galant dangereux ne réussit point, et on a la preuve de sa défaite dans les portraits injurieux qu'il a écrits d'Anne d'Autriche. Vint ensuite le brillant Buckingham, le plus fat et le plus compromettant des hommes. Les romanciers se sont emparés de ce personnage et l'ont trop embelli. Après avoir entraîné son malheureux maître Charles Ier dans la guerre d'Espagne, qui nécessita des taxes nouvelles et grossit le flot de la Révolution, Georges Villiers, duc de Buckingham, était venu à Paris pour y chercher Henriette de France, fiancée de Charles. Il éblouit la cour de France de son faste, on sait l'histoire de son manteau brodé de diamants, il était jeune et d'une belle mine. Il jeta les yeux sur la femme de Louis XIII et osa lui faire entendre un langage probablement nouveau pour elle. On comprendra qu'elle n'était point assez heureuse pour repousser les hommages de cet élégant gentilhomme. Il reçut un accueil assez favorable pour que la médisance s'en emparât. Nous savons bien que ces galanteries ont été énergiquement niées par de respectables historiens. Mais il nous paraît douteux que la reine Anne défendît sa vertu avec autant d'ardeur qu'ils en ont fait paraître pour sauver l'honneur de la couronne. Nous nous rangeons à l'opinion de Richelieu qui avertit le roi et à l'opinion du mari. Sa chasteté, Louis XIII, refusa de recevoir l'ambassadeur anglais à son second voyage. Il n'avait pas encore d'héritier à cette époque, mais il avait toujours l'intention et l'espoir de s'en donner un et devait craindre d'être prévenu dans cet acte d'intérêt dynastique. Cependant, le refus de recevoir Buckingham nous amena la guerre. Petite cause, grands effets. Si le duc de Buckingham n'avait point coqueté avec la reine de France et éveillé la légitime jalousie de Louis XIII, les Anglais n'auraient pas, en 1627, tenté contre La Rochelle une expédition qui leur fut fatale, et le duc, prêt à s'embarquer à Portsmouth, n'aurait pas rencontré le poignard d'un fanatique nommé Felton, qui mit fin à sa brillante et funeste existence. Cependant, le danger qu'avait couru la reine et l'imperturbable réserve de son époux donnaient quelques soucis au cardinal. Après 22 ans de mariage, le roi oubliait encore, dans ses jeux innocents avec Mademoiselle de Lafayette, que la couronne manquait d'héritier. Le cardinal, il fallait que ce grand homme se mêlât de tout, médita un rapprochement nécessaire entre les deux époux. En politique qu'il était, il procéda avec méthode, et d'abord s'efforça de combattre le goût de son maître pour Mademoiselle de Lafayette. Il réussit si bien que cette demoiselle sollicita et obtint du roi la permission de se retirer au couvent de la Visitation. Mais d'où vient cette résolution subite? S'était demandé Louis XIII. Lui aurais-je déplu? Ou plutôt, ne servirait-elle point quelque intrigue? Naturellement, Richelieu s'était bien gardé de laisser pressentir au chaste monarque le point où il voulait l'amener. Louis en eût éprouvé un saisissement, et pour lui, plus que pour tout autre, l'amour avait besoin d'être entouré de mystères. Il y avait moins à craindre du côté de la reine, et il put la disposer à un rapprochement par les bons avis de son confesseur, le père Sirmont. Les choses en étaient là, lorsque Louis, se défiant, voulut avoir une explication avec son ami et lui donna rendez-vous. Un jour du mois de décembre 1637, Louis XIII annonça qu'il irait à la chasse du côté de Grosbois. Mais en route, il se déroba et courut à la Visitation. Il y resta 4 heures à causer, et Mademoiselle de Lafayette, en bonne patriote, prenant en main les intérêts de la France, fit entendre au roi qu'elle prévoyait le jour prochain où, n'écoutant que la voix du devoir, Louis XIII songerait à Louis XIV. Ses relations avec lui, bien qu'elles ne fussent que d'une tendresse amicale, pouvaient porter ombrage à la reine et contrarier un rapprochement nécessaire. Nous ne savons ce que répliqua le roi, ce devait être bien curieux. Pouvait-il objecter les devoirs de l'amitié? Cependant, le temps s'était passé en causerie. En décembre, la nuit tombe de bonne heure. Louis dut renoncer à retourner à Grosbois. Il s'éloigna avec respect de la Visitation et regagna Paris. Le cardinal, qui le faisait surveiller, l'apprit aussitôt et crut le moment venu pour le faire tomber dans le piège conjugal. Depuis longtemps, Louis n'habitait plus le Louvre. Il ne trouva pas une seule chambre meublée dans ce palais. Le cardinal en avait malicieusement fait retirer les lits, les tables et les chaises. Que faire ? La reine, instruite de son embarras et entrée dans le complot, lui fit proposer à souper et à coucher. Louis XIII, n'écoutant d'abord que sa fatigue et son appétit, se laissa tenter. Les deux époux soupèrent en tête à tête, et 9 mois après, jour pour jour, la France apprenait la naissance d'un prince. La France le devait au hasard et à Richelieu. Mais ce prince resta fils unique, et le cardinal se contenta de ce succès. Nous disons fils unique, et nous nous rappelons à ce sujet que l'on a attribué à Anne d'Autriche et à Buckingham la paternité de ce personnage mystérieux enfermé à la Bastille et connu sous le nom de Masque de Fer. Voltaire avait fait de ce personnage énigmatique un frère adultérin de Louis XIV, supprimé par raison d'État. Mais à quelle supposition ne donna-t-il pas lieu? On a fait de lui un fils de Mademoiselle de Lavallière, le comte de Vermandois, le duc de Monmouth, le patriarche Avedic, le ministre Fouquet, un fils de Christine de Suède et de Monaldeschi. On attribua encore la naissance du mystérieux prisonnier à Madame Henriette, à Marie-Thérèse, à Marie de Neubourg. Mais aujourd'hui, l'homme au masque de fer est démasqué. Et M. Marius Topin nous a prouvé qu'il n'est autre que le comte Hercule Mattioli, secrétaire d'État de Charles de Gonzague, prince de Mantoue. Ce noble comte, après s'être vendu à Louis XIV, avait voulu se revendre à l'Espagne quand il fut pris la main dans le sac. Voilà donc une supposition romanesque de moins, mais nous en rencontrerons assez d'autres. Nous n'avons pas à raconter ici le règne politique de Richelieu. Nous devons nous borner aux histoires galantes. Passons donc au règne du second cardinal. 3. Mazarin. Celui-là aima la reine. Il l'aima avec esprit et avec passion. Spirituel, habile et galant, ce prélat, italien d'origine et français de cœur, disait-il, fut pour la veuve de Louis XIII un protecteur, un ami, et pourquoi hésiter à le dire, un amant. Il l'a aimé, cela est certain, personne ne le nie. A-t-il été aimé? Rien ne le prouve, dira-t-on, mais, répliquerons-nous, rien ne prouve le contraire. Certes, il n'y eut pas de scandale. Mazarin le craignait, il en a assez souffert à cause de ses nièces. Nous ne chercherons pas non plus, à l'appui de notre opinion, dans les innombrables pamphlets du temps, les Mazarinades, mais nous ferons remarquer l'intimité qui régna entre le galant prélat et la reine. Puis, nous nous rappellerons ces lettres de Mazarin publiées il y a quelques années par M. Ravenel, et qui ont jeté un demi-jour sur les relations singulières du ministre avec la reine, toujours vaine de sa beauté, bien qu'elle eût passé l'âge des galanteries. Dans quelques-unes de ses lettres, Mazarin parle à cette princesse en véritable héros de roman. Pendant son court exil, il lui écrit qu'il ne songe qu'à lui donner de belles marques de sa passion et ne rêve, pour arriver jusqu'à elle, qu'à des choses étranges et extraordinaires, qu'il hasarderait mille vies pour la revoir. Ce langage n'est pas celui d'une simple amitié. Dans une autre lettre, « Mon Dieu, lui écrit-il, que je serais heureux et vous satisfaite si vous pouviez voir mon cœur et si je pouvais vous écrire ce qui en est, et seulement la moitié des choses que je me suis proposées. Vous n'auriez point grande peine, en ce cas, à tomber d'accord que jamais il n'y a eu une amitié approchant à celle que j'ai pour vous. » N'est-ce pas là le langage de la tendresse ? Plusieurs autres pages de cette curieuse et volumineuse correspondance sont dans le même style, qui, on l'avouera, aurait été fort inconvenant si Mazarin n'avait possédé le cœur de la reine. La régence d'Anne d'Autriche, malgré l'habileté infinie de son ministre, fut remplie de troubles. Le cardinal ministre fut obligé de quitter deux fois le territoire français. Ces troubles n'étaient fomentés que par les grands seigneurs qui lui firent une guerre continuelle et sans merci. Il parvint à pacifier le royaume à force d'adresse et gouverna jusqu'à la majorité du roi. Sa politique extérieure fut très heureuse et agrandit le territoire de la France. Son ministère fut un véritable règne et il s'entourait du même appareil qu'un souverain. Son luxe était considérable, mais c'était celui d'un prélat savant et artiste. Il reste une dernière question à se poser. Était-il marié ? La princesse Palatine, duchesse d'Orléans, affirme dans une de ses lettres, comme beaucoup l'ont supposé, qu'un mariage secret unissait Anne d'Autriche à Mazarin. Mais cela nous paraît plus bizarre que sérieux. D'ailleurs, rien ne l'indique dans sa correspondance, et l'on n'a découvert aucune preuve de ce mariage invraisemblable. La reine mourut d'un cancer le 20 janvier 1666, à l'âge de 65 ans, et fut enterrée au Val-de-Grâce qu'elle avait fait bâtir.